première. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent en nouvelle diffusion Histoire vivante. Sur lesjours.fr, nous lançons une nouvelle obsession. J'ai quasiment toujours voulu être journaliste, mais c'était à cause de Tintin. On n'est pas un média slow. On est deep. On a beaucoup de lecteurs qui nous lisent en binge reading. J'ai cette envie de plus être dans le saupoudrage d'informations, dans l'écume. Ça m'a toujours agacé quand je recevais des commandes et qu'on me décrivait la photo que je devais faire. Cette semaine. Bienvenue dans ce nouveau live des jours.fr. On est une fabrique à histoires vraies, en fait. Les jours. Nos séries, on les appelle aussi des obsessions. Invention et naissance d'un média. J'ai toujours pensé qu'un bon papier pouvait presque se chanter. On va pas faire toute l'actualité, mais ce qu'on va faire, on va le faire bien. Pour pouvoir faire de l'enquête journalistique, l'un des moyens d'y arriver, c'était plutôt de travailler sur des problématiques qui étaient liées à la justice. C'est choisir le bon mot. Je crois pouvoir dire qu'on peut passer une heure ou deux sur un titre, c'est arrivé. Le bon verbe, c'est très important, le bon verbe. Un sujet, quand on arrive en amont, vous arrivez quelque part avec des idées préconçues. Mais ce sujet, au fur et à mesure qu'on le travaille, il y a des choses qui se confirment et d'autres pas. Si vous aviez l'idée de fonder un média complet sur Internet, vous pourriez y réfléchir à deux fois avant de vous y lancer et de découvrir l'aventure chronophage qu'un tel projet représente. Cependant, des plus impatients, des plus entreprenants, des plus inconscients, appelez ça comme vous voudrez, eux s'y sont lancés. Un média tout nouveau qu'ils ont appelé Les Jours. Aujourd'hui, premier épisode, l'origine. Je m'appelle Raphaël Garrigos, je suis journaliste, co-directeur de la rédaction des Jours et fondateur des Jours.fr. Donc, j'ai passé 15 ans à Libération. C'était quasiment mon premier vrai travail de journaliste. Et Libération que j'ai quitté le 6 janvier 2015. Je m'en souviens très bien parce que le lendemain c'était le 7 janvier, les attentats de Charlie Hebdo, et j'avais plus de travail de journaliste à faire. C'était un peu étrange. Et j'étais à Libération, j'étais avec Isabelle Roberts, on s'occupait du service média, c'est-à-dire qu'il s'occupait de l'actualité de tous les médias, la télévision, la vie de la télévision, de la presse écrite, la transformation de cette industrie des médias en un monde numérique, de l'actualité de la radio, tout ce genre de choses. Je suis Isabelle Roberts et je suis présidente des jours.fr. Et c'est à Libération qu'on a eu l'idée de faire les jours tous ensemble. C'est vraiment le côté collectif est vraiment très important au jour. On est 9 cofondateurs, dont 8 venaient de Libération. Le 9e, heureusement, n'en venait pas parce que c'est lui qui s'occupe de l'argent et la réputation des médias et des journalistes en matière d'argent est assez désastreuse. Et à Libération particulièrement. Donc on avait quelqu'un qui à la fois s'occupait d'argent et ne venait pas de Libération. Mais sans revenir aux dinosaures, si vous voulez, on a commencé à se retrouver à plusieurs personnes de Libération au total. Au printemps 2014, il y avait une crise à Libération, une nouvelle crise. Moi, je n'ai connu que ça là-bas. Et on s'est mis à réfléchir à notre métier. Et il se trouve que Libération a été sauvée du tribunal de commerce auquel le condamnait sa situation par Patrick Drahi. Et Libération est rachetée par Patrick Drahi alors qu'on avait entamé à l'intérieur de Libération une espèce de réflexion collective et qui était assez charnue et assez inédite aussi. On avait découvert qu'on avait des lecteurs et que ces lecteurs pensaient la même chose que nous, à savoir un trop-plein d'informations, une information qui n'était pas assez fouillée. Et il se trouve donc qu'on s'est mis à se réunir comme ça, d'abord en secret. Chaque jeudi soir, on s'est réunis à plusieurs, une petite dizaine. Une conjuration, quasiment. Une petite dizaine, une petite vingtaine de gens qui, finalement, sont partis de Libération, ils sont restés, ou alors on rejoint les jours. Et si vous voulez, au fur et à mesure qu'on était dans une période qui était encore assez délétère à Libération, un plan social se dessinait, on savait pas les contours. En tout cas, il n'y avait pas de réflexion sur le journalisme. Et nous, chaque jeudi soir, puisque c'était le jeudi soir qu'on se réunissait pour ce qu'on appelait les apéros de l'avenir, pour tout vous dire, ben on pensait à notre métier et c'était beaucoup plus enthousiasmant que le reste. Et puis voilà, c'est devenu de plus en plus concret. Isabelle Roberts, le titre. Quelle est l'origine de ce titre étonnant, simple comme bonjour, lesjours.fr, les jours. Comment c'est venu ça? C'est beau les jours. Ouais, très joli. C'est beau les jours, c'est venu très très tôt quand on réfléchissait au projet qui au début avait un nom de code idiot. Une fois, on faisait ce qu'on appelait nos apéros de l'avenir et on réfléchissait au jour. Et il y avait la Coupe du Monde 2014 et on était en train de faire notre apéro une fois et il y avait un match. Et il y a quelqu'un qui a dit « Mais au fait, c'est quoi le nom ?» en désignant l'écran. Et quelqu'un a regardé l'écran et il y avait un joueur de foot qui s'appelle Loïc Rémy. Et donc, pendant longtemps, le site s'est appelé loïcremy.com. Avouez que les jours, c'était mieux quand même. Les jours, parce que ça renvoie à notre temporalité qui est double. C'est-à-dire que on a des articles tous les jours. C'est à la fois un quotidien, mais les jours, c'est aussi ce qui forme des semaines, des mois. Ça peut durer très longtemps, donc ça a à voir avec notre temporalité. Donc c'est ça, les jours. Les jours, c'est raconter l'actualité en série, en fait. Et raconter l'actualité en série, c'est finalement renouer avec le feuilleton qui a fait les heures de gloire de la presse du 19e siècle. Sauf que nous, on l'adapte à notre époque, finalement. C'est la série télé. Et c'est-à-dire que chacune de nos séries, déjà je parle de séries d'emblée, est conçue comme une série télé avec où chaque article est un épisode avec des personnages, avec une bande-son, une bande originale, avec... Oui, c'est conçu comme une série télé. Le journalisme, ce sont des histoires. Ce sont des histoires vraies, mais ce sont des histoires. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire depuis très longtemps, raconter des histoires. Alors, raconter des histoires du réel, c'est une chose. Raconter des fictions, c'en est une autre. Avec les jours, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mêler les deux et justement utiliser des techniques de la fiction, en l'occurrence les séries, pour raconter des histoires vraies. Parce que raconter l'actualité, ça dit que nous voulons être dans l'actualité et pas en dehors de l'actualité. On n'est pas un média froid, on n'est pas un média slow, comme on peut dire, un média lent. On est plutôt un média profond, toujours accroché à l'actualité, parce qu'il se trouve que nous, qui venons pour beaucoup de Libération et d'un quotidien, on aime cette actualité, on aime ce quotidien. Raconter l'actualité, raconter, ça veut dire le goût qu'on a pour les histoires finalement et pour ce rôle de notre rôle de journaliste qui est de raconter aux gens. Je pense que ça veut dire aussi l'exigence de qualité qu'on met dans les jours. On s'attache beaucoup à la qualité de l'écriture, à la qualité de l'image. D'ailleurs, quand on était en train de concevoir les jours, on faisait venir, parce qu'au départ, on était une poignée de journalistes, donc on faisait venir des gens de métiers différents. Un métier que vous ne connaissez pas, un développeur, un directeur financier, un scénariste de série télé. On a reçu le scénariste Frédéric Krivin, le scénariste d'un village français, une série qui est sur l'occupation en France, et qui nous a aidés à réfléchir à notre manière de voir. Et Frédéric Krivin, il a cette double formation de journaliste, parce qu'il a fait une école de journalisme, et de scénariste. Et il est venu nous parler de comment on écrit une série. Et alors, ce qu'il nous a dit, et c'était intéressant, il a dit « Attention les gars, parce qu'avec l'actualité, on ne connaît pas la fin. Or moi, quand j'écris une série, je connais la fin. » Donc ça, c'est une des difficultés. On n'a pas prendre le calque et l'appliquer. Voilà. Non, parce que les histoires journalistiques, en l'occurrence, sont toutes différentes. Il y en a sur lesquelles on peut avoir une vision à l'avance, d'autres qui sont purement d'actualité, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais remarquez le parallélisme qu'on peut faire également avec les séries qui, actuellement, dans ce domaine totalement friche, offrent des diversités esthétique et de format incroyable. Exactement, il y a des séries courtes, des séries longues, des séries bouclées avec des histoires qui se terminent à chaque épisode. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire l'info en série, parce que quand on réfléchissait à notre projet journalistique, la première idée qu'on a eue, c'est celle des obsessions, c'est-à-dire de se concentrer sur un sujet et de ne plus le lâcher. En fait, d'emblée, on avait cette idée de on va pas faire toute l'actualité, mais ce qu'on va faire, on va le faire bien. Ça suffit, c'est les médias qui viennent un jour sur un sujet, qui s'en vont et qui n'ont plus de droit de suite, qui oublient leur sujet. Nous, c'était vraiment ça qui a présidé à la création des jours, c'est cette envie de plus être dans le saupoudrage d'informations, dans l'écume d'informations. On se dit qu'il y a toujours besoin de creuser. Et donc, on avait d'abord ce système d'obsession. Un terme qui a un peu fait débat entre nous, parce qu'on se disait, est-ce que c'est pas un peu péjoratif. Puis bon, on se disait, non, on est des obsédés d'information. L'idée, c'est de prendre un sujet et de plus le lâcher. Ça, c'était la première idée. Puis en discutant, on s'est dit, mais les histoires journalistiques, finalement, c'est quoi? Il y a des personnages. il y a des lieux, il y a des petites histoires, il y a des grandes histoires. Et on était tous des consommateurs de séries télé. On je pense à la série The Wire de David Simon, qui est lui journaliste devenu ensuite scénariste de télévision, avec une série qui se passe à Baltimore. Qui se passe à Baltimore, effectivement, où finalement il s'est servi de la réalité pour faire une série de fiction. Nous, on s'est servi des recettes de la fiction pour traiter de la réalité. Alors, moi, comme je travaillais au service Média à Libération, j'avais une connaissance un peu de comment on fait une série. Et on s'est dit, mais c'est comme dans une série, on a ce qu'on appelle des arches longues et des arches courtes. C'est-à-dire qu'on va avoir... arches narratives qui vont courir tout le long de la série. Puis il y en a d'autres qui vont être plus courtes, qui vont durer juste le temps d'un épisode. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée, en fait. C'est venu des histoires. On n'a pas calqué quelque chose artificiellement, et c'est quelque chose dont on est assez fier quand même. C'est nous qui avons eu l'idée. On n'est pas allé chercher un format à l'étranger pour se dire voilà, on va l'appliquer en France. Voilà, on en a eu l'idée de ce truc-là. Le temps, c'est vraiment la clé des jours. C'est-à-dire que prendre du temps, ne pas être là tout de suite sur un événement, mais pas forcément écrire tout de suite. J'en veux pour preuve une série qu'on a fait qui est consacrée à l'affaire Théo L, du nom d'un jeune homme en banlieue qui a été violé par la matraque d'un policier. Dès que cette affaire éclate, des voitures se mettent à brûler à Aulnay, en proche banlieue parisienne. On est là dans un matériau médiatique et journalistique très spectaculaire. On voit les chaînes infos qui vont filmer ça, qui filment les assauts de policiers, la contre-attaque des jeunes, des jets de pierre, des voitures qui brûlent. Bon, très bien. Nous, d'emblée, on s'est intéressé à cette histoire parce que Camille Polony, qui travaille avec nous, est intéressée et spécialiste de ces sujets de banlieue, de justice, de police. Camille, d'emblée, on l'envoie sur place, mais elle reste 2-3 jours sans écrire. Elle est aux abords, finalement, de l'Aulnay. Et quand ça se calme, les chaînes infos s'en vont, et c'est là que le travail des jours commence à se faire. C'est-à-dire que là, elle peut accéder aux gens, et l'idée étant de raconter les rapports entre la police et les habitants de banlieue, et c'est là qu'on arrive à cette profondeur. C'est toute la question du temps long et du temps perdu aussi, parce que des fois on travaille sur des séries qui voient jamais le jour, et c'est aussi toute la question du modèle économique des jours, hein, finalement. C'est-à-dire qu'on en parlera, évidemment. Vous reparlerez, bien sûr. C'est-à-dire que nous payons des gens à travailler sans... produire. Sans certitude. Et sans certitude que ça va aboutir sur quelque chose. Il y a des fois où on a déclenché comme ça des séries en se disant il faut la faire tout de suite parce que soit on a une plus-value, soit ça se prête bien à un format en série. Mais si je reprends l'exemple de Camille Polony à Aulnay, elle avait besoin finalement de pouvoir entrer dans la cité. Et ce qui s'est passé, très concrètement, c'est qu'elle était avec, il y avait 2-3 autres journalistes, un du Parisien, un autre de BFM, je crois, je suis sûr même. Et il y avait un jeune qui servait un peu d'ambassadeur, si vous voulez, qui a dit, toi, non, toi, non, toi, oui, des jours, ok. Toi, on voit comment tu travailles, que tu travailles tranquillement, on va dire. Et Camille a pu comme ça entrer dans la cité sans que ce soit... Si le compte bancaire des jours est particulièrement fourni. Oui, ça je peux vous dire que le compte bancaire des jours est particulièrement fourni. Évidemment, on ne paye aucune information, ni aucune personne pour avoir accès à des endroits. Bonjour, je suis Jeanne Boézek, je suis journaliste, et bienvenue sur Les Jours, le making-of, le podcast des jours.fr. Le 10 décembre dernier, l'entreprise de lait infantile Lactalis lance une alerte sanitaire après le signalement de plusieurs cas de bébés atteints de salmonellose, une maladie qui provoque des fièvres et des douleurs abdominales. Quelques semaines plus tard, 12 millions de boîtes de lait sont rappelées. On reproche à Lactalis son manque de transparence sur les contrôles sanitaires. Ce n'est pas la première fois qu'on l'attaque sur son opacité. Nicolas Cory, journaliste au Jour, a lui aussi enquêté sur l'entreprise. Vous pouvez retrouver l'article de Nicolas Cory, Lactalis fait son beurre au Luxembourg, sur Les Jours, dans la série La Grande Évasion. Pour les réseaux sociaux, c'est lesjours.fr sur Instagram, Facebook et Twitter. Et je vous dis à la semaine prochaine. D'où vient, selon vous, Isabelle Robert, ce goût de l'histoire ? Vous aimez les histoires, aussi bien celles qu'on vous raconte que celles que vous racontez. Ah oui, oui, oui, ouais. Je suis une grande lectrice, j'aime la radio, j'aime les médias en général, j'aime qu'on me raconte des choses, et j'aime bien raconter des choses aussi, c'est choisir le bon mot, le bon verbe, c'est très important le bon verbe, et il y a tout un tas de façons différentes de dire « dire ». Précisément. Et puis l'adverbe, l'adjectif, ce qu'on va garder, la ponctuation, c'est important la ponctuation dans un papier journalistique. Le tempo. Oui, le tempo de la phrase et même le tempo du papier. J'ai toujours pensé qu'un bon papier pouvait presque se chanter. C'est quelque chose qu'on applique moins facilement peut-être au journalisme, qui, à tort certainement, peut passer pour quelque chose de technique, de très factuel, de froid. De froid. Or, et c'est aussi ce qu'on essaie de faire sur les jours, c'est d'avoir une belle écriture, une écriture différente qu'on ne va pas trouver ailleurs, qui va donner envie de s'abonner à ce média pour à la fois un point de vue différent sur l'actualité et aussi une manière différente de la raconter. Même si tous les journalistes des jours ont des styles différents, cet ensemble de styles différents fait celui des jours. C'est ce qu'on appelle notre petit ton. Votre petit ton. Oui, notre petit ton. On a un petit ton. Isabelle Robert, je reviens avec vous sur ce goût de l'histoire. En faisant de la psychanalyse de bas étage, est-ce qu'il y a quand même le goût d'un retour à l'émerveillement de l'enfance ? C'est possible. J'avais jamais ni songé à ça, ni verbalisé comme ça, mais oui. Et finalement, un journaliste, c'est peut-être ça, parce que un journaliste, qu'est-ce qu'il fait ? Il va sur le terrain, il regarde et il raconte. Et pour pouvoir bien raconter, pour pouvoir bien regarder, il faut pouvoir à un moment donné être émerveillé, surpris, étonné. En tout cas, ne jamais être blasé. Ça, c'est important. Faire éponge. Oui, faire éponge et pouvoir ensuite retranscrire ce qu'on a engrangé. Isabelle Robert, je vais m'arrêter avec vous un instant sur cette expression que je trouve commune à bien des personnes. Apprendre le métier. Libé m'a appris le métier. Comme d'une certaine manière, quand on est ébéniste, il faut apprendre le métier. Comment définir ce « on vous a appris le métier », c'est-à-dire c'est quoi ? C'est marrant que vous parliez d'ébénisterie parce que le journalisme, c'est un artisanat finalement. C'est un artisanat et quand je parle d'apprendre le métier, c'est que en fait, un est journaliste celui qui pratique le journalisme. C'est-à-dire que on peut faire toutes les écoles qu'on veut et souvent les écoles, en tout cas en France, elles servent à avoir des contacts avec les médias. Du réseautage. Parce que les médias servent de prof aux écoles, etc., etc. Mais finalement, on n'apprend pas grand-chose dans les écoles. Sinon, peut-être des principes, et ce serait peut-être mieux qu'on les apprenne plus, mais des principes déontologiques. Mais en tout cas, le journalisme, il vient en le faisant de la même façon qu'un ébéniste et le rapprochement est très juste en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, Isabelle Robert, en travaillant au quotidien, au jour, en contraste avec les expériences passées, notamment l'expérience passée à Libération, vous avez le sentiment de pratiquer votre métier différemment, je pousserais même plus loin, de pratiquer enfin le journalisme que vous n'aviez pas forcément imaginé, mais qui répond le mieux possible aux choix que vous avez faits. C'est exactement ça, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire les jours, en fait. C'est parce que on avait des envies journalistiques qui étaient souvent frustrées, même si, moi, je crache pas sur mes 15 ans à Libération, j'ai vraiment passé de bons moments. C'est le journal qui m'a appris le métier, hein, de toute façon, ça a été mon premier travail, voilà. Mais faire du journalisme comme on le fait au jour, c'est un vrai bonheur de journaliste. Et je pense que c'est un vrai bonheur de lecteur aussi, parce que le journalisme, on le fait pas pour des journalistes, on le fait pour des lecteurs, pour qu'ils aient sur le monde un autre regard, un regard différent, un regard complet. Quand je parle de frustration, typiquement à Libération, mais comme dans n'importe quel quotidien, on a des pages à remplir. et un espace qui est... on est toujours en porte-à-faux par rapport à cet espace qui nous est consacré, c'est-à-dire que soit on a trop de choses à raconter, on n'a pas assez de place. Moi, par exemple, je m'occupais des pages médias à Libération, on va avoir 3 pages à remplir, et puis ce jour-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, c'est jamais le bon tempo, finalement. Et on prend jamais le temps de s'apesantir sur une histoire, parce que par exemple, il va y avoir une actualité, et puis au bout de 3 jours, ça va passer, et puis il y en a marre, et puis on fait autre chose. Donc le fait de se concentrer sur un sujet, ce qu'on appelle nos obsessions ou nos séries journalistiques, ça nous permet d'aller jusqu'au bout. Et journalistiquement et aussi du point de vue du lecteur, c'est ça qui permet de faire naître des scoops. Typiquement, c'est quand on va se plonger dans une histoire en profondeur, qu'on va connaître vraiment très bien un dossier, qu'on va finalement devenir une référence sur ce sujet, que des scoops vont apparaître. Les scoops, ils tombent pas du ciel, ils viennent du travail en fait, du travail et de l'approfondissement, presque de l'acharnement. L'investigation, le scoop, c'est vraiment au cœur de ce qu'on veut faire au jour. C'est une expression journalistique comme une autre. Le scoop, l'investigation, c'est notre travail d'aller chercher ce qui est caché, ce qui est dissimulé, ce qui est masqué derrière l'écran de fumée de la com. Et on a montré, avec nos séries au temps long, que c'est ça qui permet de faire émerger des infos. Et comment ça se passe ? C'est-à-dire que quand je travaille, moi par exemple, avec Isabelle Roberts sur une série qui s'appelle L'Empire, consacrée à la façon dont l'industriel français Vincent Bolloré a pris la main sur Canal+, la chaîne cryptée, et comment il a totalement bouleversé cette chaîne. On s'est mis à travailler très très tôt, avant même la naissance des jours, sur cette conquête, sur la création de cet empire. La revanche bretonne. La revanche bretonne, exactement. Et petit à petit, c'est-à-dire que c'est vous nouer des contacts avec des gens qui vous font confiance, qui vont vous donner une info. Et ça se vérifie dans chacune des séries. Plus on s'arrête sur un sujet, plus on le creuse, plus les informations viennent. Il n'y a pas... on n'est pas, nous journalistes, on n'a pas un carnet avec un vivier à scoop dans lequel on peut piocher. Ça vient parce que de la confiance, du travail et du temps. Et du temps, encore une fois, du temps. Qu'en est-il, Raphaël Grégos, quand plusieurs plumes signent dans une même série ? Ça sous-entend que, compte tenu de ce que vous nous avez expliqué, de la question de l'immersion préalable est nécessaire, plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois se multiplient avec le nombre de plumes qui écrivent dans la même série. Il y a une série, par exemple, consacrée à Benalla, l'affaire Benalla. Ils sont plusieurs à écrire dedans. Alors, comment ça s'organise ? Sur l'affaire Benalla, c'était assez frustrant journalistiquement parce que ça démarre par un scoop du Monde et ça se poursuit par un autre scoop du Monde. Et en fait, on s'aperçoit que c'est le Monde qui a toutes les infos. Donc, il y a quelque chose d'une frustration que les auditeurs comprendront bien. C'est qu'on voit quelque chose se dérouler. Et nous, vous n'avez pas encore votre taupe dans le Monde ? Non. Bon, ça viendra, j'espère. Donc, l'idée des jours, c'est de vendre finalement à nos abonnés quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Là, avec l'affaire Benalla, c'est dans le Monde que ça se passe. Mais dès le lendemain, l'affaire sera un mercredi soir, on passe le jeudi à grommeler en se disant qu'est-ce qu'on peut faire, cette histoire a l'air incroyable, faut qu'on puisse être dedans. Et le vendredi, on se dit ça suffit, on lance notre série parce que d'emblée, c'est un cas un peu particulier, mais l'affaire Benalla, c'est une série télé d'emblée. Il y a un personnage, ça ressemble à des séries comme House of Cards ou d'autres. Donc on se dit notre système se prête trop bien à l'affaire Benalla pour qu'on ne le fasse pas. Et on rassemble les personnes qui étaient là à ce moment-là aussi, parce qu'on est en plein été, et on a des différentes spécialités. Aurore Gorius, qui est plus spécialisée dans la politique, dans les lobbies, Camille Polony, plus dans la police, la justice, et Isabelle Roberts, c'est moi, qui essayons de raconter les rapports entre Emmanuel Macron et les médias depuis son élection. Et c'est ce genre de choses-là qu'on aime faire et qu'on aimerait pouvoir faire un peu plus. Vous avez certainement vu le film Spotlight, où on voit cette cellule d'un journal avec des gens qui travaillent ensemble et qui, au bout d'un moment, finissent par sortir des sujets. C'est ce genre de choses-là qu'on voudrait essayer de faire. Bienvenue dans le Making-of des Jours, le podcast des jours.fr. 5000 emplois supprimés chez SFR, et pourtant, le méga plan social de Patrick Drahi passe quasiment inaperçu. Les jours racontent une saignée. C'est le sous-titre de l'enquête de Alice Géraud, co-directrice de la rédaction Au Jour. Comment raconter un plan social ? Qu'est-ce qu'on va chercher ? Pourquoi s'y être intéressé d'ailleurs ? C'est l'objet du premier épisode du Making of des Jours. Une fois par semaine, une discussion avec un ou une journaliste de la rédaction pour raconter l'envers du décor des épisodes publiés sur le site. Je suis l'une des cofondatrices des Jours, je m'appelle Alice Géraud, je suis journaliste et j'occupe les fonctions de co-directrice de la rédaction des Jours. Et donc, par exemple, l'an dernier, on a eu envie de faire une série sur Laurent Wauquiez avant qu'il prenne la, au moment où il allait prendre la présidence du groupe des Républicains, parce que ça nous paraissait être une évolution politique... La droite française. La droite française, qui se droitisait beaucoup, qui se radicalisait un peu. On trouve que la question politique, enfin je trouve particulièrement, et je pense que le fait d'avoir travaillé longtemps pas à Paris nourrit cette réflexion, que tout ce qui concerne les pouvoirs locaux en France est complètement sous-traité par une presse ultra-jacobine, ultra-centralisée à Paris. Alors qu'en réalité, si on mesurait le poids institutionnel, économique des pouvoirs, il est beaucoup plus important sur les pouvoirs locaux. Et c'est complètement sous-traité, c'est méprisé, c'est voilà. Et c'est donc invisible. Dans l'angle mort. C'est dans l'angle mort parce que notamment les services politiques des médias français sont complètement calqués sur le centralisme politique de voilà, c'est comme si c'était des petites choses qui répondent enfin à l'image des chemins de fer. Voilà, à l'image des chemins de fer, exactement, c'est en étoile. Et donc ça nous intéressait et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va... il était très traité hein, Laurent Wauquiez, très suivi par la presse nationale, mais nationalement donc on courait après les petites phrases et les choses comme ça et il est pas avare de petites phrases et on s'est dit mais non ce qui est intéressant c'est de voir ce qu'il a fait lui dans son laboratoire, il est président de la région Rhône-Alpes Auvergne et donc c'est par là qu'on va le tester. Choper. Voilà. Et donc on a pris des gens qui étaient sur place et spécifiquement des journalistes d'investigation parce que la politique, on aime bien essayer d'appliquer un genre de journalisme à un sujet qui n'est pas habituellement traité sous cet angle-là. En l'occurrence, la politique en France est traitée par la chronique politique, le commentaire, voire le commentaire de petites phrases, le commentaire de sondage, c'est une sorte d'avion à réaction en fait. C'est pas hyper intéressant et donc... Je vais le dire de manière plus directe, c'est franchement... Voilà. Hein? Et donc nous on s'est dit non mais il y a de l'investigation à faire là-dessus, donc on a pris les journalistes d'investigation et donc on a pris ce collectif We Report. We Report, c'est un collectif de journalisme européen, je veux pas trahir leur... qui sont un groupe de très bons journalistes et qui se trouvent basés à Lyon. Ils sont très branchés investigation, c'est eux qui avaient fait l'espèce de spotlight à la française sur la pédophilie dans l'église. En fait, c'est eux qui avaient toutes les affaires françaises, c'est eux qui les avaient sorties. Et donc, on a pris ce collectif We Report, qui nous a fait cette série l'an dernier sur Laurent Wauquiez, donc, qui est jusqu'à ce qu'il devienne président des Républicains. Et puis, nous, après, là, on avait envie de faire une série sur Gérard Collomb, on est très lyonnais. Qu'est-ce qui fait qu'un type qui est ministre de l'Intérieur préfère être maire de sa ville et président de la métropole lyonnaise? Parce que c'est un super pouvoir qu'il a auto-construit et c'est extrêmement intéressant sur ce que ça dit du pouvoir aujourd'hui, sur les rapports entre pouvoir et politique. En plus, en France aujourd'hui, Gérard Collomb, c'était un laboratoire du macronisme et c'est pas pour rien qu'il était son premier soutien et son plus fidèle soutien. Et donc tout ça, ça nous a paru intéressant. Et donc on retravaille avec un des journalistes de We Report, alors un seulement, et pas le collectif, pour le coup, parce que ça, on s'aperçoit, c'est vraiment un truc des jours, que une série, une obsession, elle est bien quand elle est avec une seule personne, quasiment. C'est pas vrai à 100%, mais c'est globalement vrai, alors qu'on pensait faire des séries beaucoup plus chorales, construites à l'origine. On a fait quelques-unes, il y a quelques-unes qui ont bien marché, mais d'autres, en fait, ça marche pas, en fait, le côté obsessionnel, c'est perso. Et donc, celui qui se prend son sujet, il est bien, et puis c'est quand même plus simple en termes d'unité d'écriture, donc voilà. Pour qu'on travaille avec ce collectif. Et donc là, en l'occurrence, c'est Mathieu Martignard, c'est un journaliste qui a travaillé sur Interpol, sur la pédophilie dans l'Église, qui est très fort sur tout ce qui est conflit d'intérêts entre politique et hommes d'affaires et tout ça. Et donc, c'était le profil idéal. C'était le Making of des Jours, premier épisode. Vous pouvez retrouver l'obsession Le Plan D sur lesjours.fr, nous suivre sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook, et nous écrire à contact@lesjours.fr. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.